Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Aujourd'hui, une histoire folle, l'un des plus gros ratages de l'histoire de l'écologie française qui en compte pourtant beaucoup. Ça commence avec une taxe, ça finit en histoire criminelle. Cette histoire, ce récit, c'est celle de la mafia du CO2. On parle de nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au trésor public français près de 2 milliards d'euros. À l'époque, les industries doivent payer un droit à polluer, la taxe carbone. Et ce droit, les sociétés l'achètent sur un marché financier. Sauf que des escrocs vont en profiter via des sociétés bidons à l'étranger. Ils vont acheter et revendre cette taxe carbone sans reverser la TVA au fisc français. En tout, en l'espace de 7 mois, de novembre 2008 à juin 2009, les escrocs auraient raflé 1,6 milliard d'euros en France et au moins 5 milliards à l'échelle européenne. C'est de l'argent de l'État, quoi. C'est notre argent. C'est 100 euros par an et par européen. On est 500 millions d'Européens qui sont investis tous les ans dans le crime organisé. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Quoi qu'il en soit, quelques mois après la découverte de l'arnaque, la TVA a été supprimée sur les quotas carbone. Plus de TVA sur les quotas, plus d'escroquerie possible. Super fail. Cette histoire incroyable, c'est vous qui l'a racontée, Fabrice Arfi. Vous êtes journaliste à Mediapart et vous publiez « D'argent et de sang » aux éditions du Seuil. À l'intérieur de ce livre, on trouve un aveu, Fabrice Arfi. Vous êtes chiracien, alors pas complètement, mais vous lui reconnaissez au moins un mérite à Jacques Chirac. Je lui en reconnais même trois dans le livre. Au-delà de ce grand fauve de la République, de ses liens avec le sac, le bruit et l'odeur, le fait d'avoir remis en scène Nicolas Sarkozy après le 21 avril 2012. Et parmi ses mérites, il y a évidemment sa non-intervention dans la guerre en Irak, la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la rafle du Veldiv. Et la troisième, c'est en effet ces déclarations qui malheureusement ont été peu suivies d'effets concrètement, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, mais c'est sa très belle phrase qu'il avait dit à Johannesburg, la maison brûle et nous regardons ailleurs, en parlant de l'écologie, pour dire que c'était 7 ans après à peu près le protocole de Kyoto, les promesses gouvernementales et institutionnelles quant à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire pour notre planète et pour l'environnement, n'étaient pas au rendez-vous. Alors, une taxe carbone, c'est une bonne idée au départ. De quoi s'agit-il ? En fait, il faut remonter au protocole de Kyoto, qui est un événement mondial qu'on a peut-être un peu oublié, mais c'est la première fois qu'à l'échelle de la planète, tous les participants, c'est-à-dire toutes les nations, décident communément de lutter contre le réchauffement climatique, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, hein, qui détruisent notre planète. Et il y a une espèce de bataille économique pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons les Européens qui disent très bien, nous allons lutter contre les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'État-providence, grâce à la fiscalité verte, grâce à la taxation. Les Américains disent, bon, nous, on est prêts à signer. Hein, c'est pas les plus allants hein, dans ce type de négociation pour l'environnement. Les Américains, ils disent, d'accord, on va signer, mais à condition que ce soit pas l'État-providence qui règle le problème, ça va être la financiarisation, ça va être la boursification, la bourse, le marché financier, espèce de main invisible du marché très Adam Smith qui va régler tout ça. Les Européens, pour avoir la signature des Américains, qui est un grand succès diplomatique, concèdent une défaite idéologique, à savoir que ce sera le moyen américain qui sera mis en place, à savoir une sorte de Wall Street environnementale pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, très bien, donc on va faire payer les pollueurs avec une taxe et avec des droits à polluer. Alors en fait, on appelle ça maintenant la taxe carbone, en réalité la taxe carbone pourrait donner l'impression d'une fiscalité verte, en fait non, ce qu'on a décidé, c'est que les grandes entreprises qui polluent, hein, les cimentiers, enfin peu importe, ont un quota d'émissions de carbone par an. Soit ils le dépassent, soit ils le dépassent pas. Bon, s'ils le dépassent, ils doivent aller l'acheter sur une bourse ad hoc, hein, un marché financier, à ceux qui ne le dépassent pas. C'est ce qu'on appelle une bourse de quotas, et des intermédiaires qui achètent et qui vendent des quotas s'immiscent sur le marché pour pouvoir commercer. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Enfin, en tout cas, on comprend bien le principe. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi cette histoire qui est donc jusqu'ici vertueuse? Alors, on peut critiquer le principe, Fabrice Arfi, mais en tout cas, on voit bien qu'il n'y a rien de délictueux ou de criminel là-dedans. C'est là où il y a un petit os. Alors, il y a un os quand même dans je ne veux pas paraître idéologique, mais il y a un os dans l'espèce de concrétisation de capitalisme de casino, si je peux me permettre l'expression, avec cette bourse qui, d'ailleurs, comme beaucoup de hauts responsables administratifs, hein, qui parlent dans le livre À visage découvert, disent que là, on était face à l'idée même du libéralisme le plus échevelé, où l'idée de contrôle et de contre-pouvoir est considérée comme un frein à la croissance, au rendement et donc à la rentabilité dans la lutte pour l'écologie et contre le réchauffement climatique. La folie dans cette histoire, la première, c'est que on a décidé d'assujettir les principes d'achat-vente, c'est-à-dire le commerce des quotas carbone, à la TVA. Alors que c'est un peu compliqué. Il faut que vous nous expliquiez en quoi c'est une folie. Bah en fait, c'est parce qu'a priori, si j'achète du pain, il est soumis à la TVA. Oui, bien sûr. Sauf que là, c'est un bien immatériel, c'est un bien financier en quelque sorte. Ça n'existe pas sur la bourse de Paris. Il n'y a pas la TVA quand vous achetez des actions, vous vendez des options liées aux entreprises. Là, la Commission européenne décide d'assujettir ce marché à la TVA, qui est la TVA, c'est une taxe que les entreprises collectent et doivent reverser à l'État, et peuvent même se faire rembourser la TVA s'ils commercent en dehors de l'Union européenne. Très bien. Et là, il y a une escouade d'escrocs, de grands chemins, qui vont trouver une faille, s'infiltrer dans le marché et le dépouiller. En quoi consiste cette faille? Là, il faut l'expliquer de manière assez didactique. Oui, bien sûr. Bon, la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée, qui a été créée en 1954, c'est très vieux. La TVA, c'est la moitié des recettes fiscales de l'État français. Voilà dont nous parlons. C'est la moitié des recettes fiscales de l'État. La fraude à la TVA est vieille comme la TVA. La première affaire de fraude à la TVA date de 1956, d'un homme qui s'appelle Joseph Joanovici, qui est un personnage très sombre de la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait, comme les entreprises collectent la TVA, crée une escroquerie de papier avec des sociétés fictives, un commerce fictif. À l'époque, c'était sur des métaux, mais ça sera exactement le même principe qui sera mis en œuvre avec les quotas, pour faire croire qu'il vend du matériel et qu'il en achète alors qu'il ne le fait pas. Il collecte de la TVA sur ces ventes fictives qu'il ne reverse pas à l'État. Et il se débrouille même pour se faire rembourser par l'État une TVA qui ne lui est pas due. Donc les escrocs qui, avant de commercer sur la bourse carbone, qui s'appelait Blue Next à Paris, mais peu importe, certains vendaient des converses sur les marchés Opus, d'autres étaient dans le sentier, vendaient des fringues, se piquent d'écologie et deviennent des entreprises... Enfin, d'écologie, ils n'y croient pas un instant. Se piquent facialement d'écologie et décident... je mets 12 guillemets, de vertueusement venir sur le marché du carbone. Et donc, ils se mettent avec tout une nébuleuse de sociétés fictives, avec des hommes de paille, à faire croire qu'ils achètent et qu'ils vendent des vrais quotas de TVA. Enfin, ils en achètent des vrais, mais pour une activité fictive, ils touchent une TVA qu'ils ne reversent pas. Et ça fait au minimum 1,6 milliard d'euros qui sont volés dans les caisses de l'État. C'est-à-dire beaucoup d'argent. Alors, si je reprends l'histoire que vous racontez, Fabrice Arfi, dans D'argent et de sang, le livre que vous publiez aux éditions du Seuil, donc on a affaire à des individus qui ont un CV, ils ont fait des escroqueries. Ensuite, la plupart se sont spécialisés dans l'escroquerie à la TVA, la TEV. La TEV, voilà, c'est ce qu'on dit, la TEV. En fait, c'est l'histoire de moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'une des filières dans ce qu'on appelle le casse du siècle, c'est la filière bellevilloise. C'est l'histoire de gamins de Belleville, notamment deux, Samy Souyed et Marco Mouly, qui ont assez vite compris que leur prospérité se situera probablement en dehors du code pénal et qui vont grandir dans un univers d'escroquerie. C'est une intelligence de rue. Hein. Ce sont des gamins qui arrêtent l'école. Ce ne sont pas des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup d'études, contrairement aux énards qui ont fait la taxe carbone. Ils ont arrêté l'école à 10-12 ans, ont fait les marchés et ensuite ont fait plein d'escroqueries. Et c'est vraiment l'histoire d'une intelligence sans diplôme qui va réussir à duper l'intelligence la plus diplômée du pays, celle qui va décider de mettre en place, sans mauvais jeu de mots, cette usine à gaz sur les quotas carbone. Alors si on vous laisse lancer tous les deux dans l'escroquerie à la taxe carbone, c'est un peu compliqué parce que la taxe carbone en tant que telle n'existe plus aujourd'hui, donc on pourrait plus refaire cette escroquerie, mais si on veut expliquer à ceux qui nous écoutent, Fabrice Arfi, comment ils s'y sont pris? Comment on fait? En fait, c'était très simple. Il suffisait la bourse du carbone en France était propriété à 40% en réalité de l'État français, c'est-à-dire de la Caisse des dépôts et consignations, qui est le bras financier de l'État français, et à 60% à la bourse de New York. Le problème, c'est que la Caisse des dépôts était dans une espèce de situation de conflit d'intérêts institutionnel assez vertigineux, puisque, en plus d'être propriétaire de la bourse, c'est elle qui était tenancière du registre sur lequel étaient notées les personnes qui avaient le droit de commercer, et en fait, ils ne vérifiaient rien sur la moralité, les compétences des personnes concernées, et en plus, la Caisse des dépôts était l'agent bancaire. C'est-à-dire que les intérêts de l'agent bancaire de cette bourse ne sont évidemment pas les mêmes que celui qui doit contrôler les personnes qui commercent sur la bourse, et encore moins celui du propriétaire de la bourse. Et il avait été ouvert, dans une idée que tout le monde avait le droit de faire de l'achat-vente de quotas carbone, que c'était ouvert au plus grand nombre. Et donc, tous les deux, si on décide de le faire, Guillaume, on crée une société en disant que nous, notre boulot, c'est de vendre et d'acheter des quotas carbone sur ce marché. Eh bien, on prenait des hommes de paille, on s'inscrivait sur le registre de la Caisse des dépôts qui s'appelait Seringas. On se retrouvait au milieu de tout ça avec des ventes fictives, une activité. Alors qui ensuite, n'était pas... justement, comment on fait? Comment on fait? On est là avec son ordinateur. C'est pas une bourse, comme on voit les images d'Épinal de la bourse. On a une société qui a l'apparence d'une vraie activité de vente et d'achat carbone qui nous permet de collecter la TVA. Dès qu'on touche la TVA, elle s'évapore dans les paradis fiscaux. Et en plus, si on arrive à vendre avec d'autres sociétés bidons auxquelles on est lié en dehors de l'Union européenne, l'État français nous verse un crédit de TVA. Donc c'est le tonneau des Danaïdes absolu, puisque on ne reverse pas la TVA que l'on perçoit. Elle part dans les paradis fiscaux, mais en plus l'État nous reverse une TVA qui n'était pas due. Très bien, mais alors dans ce cas-là, l'État s'en aperçoit. Il y a des inspecteurs des impôts en France, ils se rendent compte qu'il y a de la TVA collectés qui devraient être rendus à l'État, d'autres qui est perçu à tort. Alors Fabrice, c'est l'un des mystères du dossier, c'est qu'en effet, il y a des alertes très tôt en disant ce système-là qui est en train d'être mis en place est fou, il y a des failles considérables, et quand le marché commence à être très efficient à partir de 2008, on se rend compte, et il y a des alertes qui sont lancées, y compris par la Caisse des dépôts, en dépit de sa situation compliquée de conflit d'intérêts institutionnels que j'ai décrit tout à l'heure, et d'autres disent, mais là, les activités paraissent fictives. Et donc, il y a des alertes qui sont données dès l'automne 2008, et la folie, y compris au ministre à l'époque, Éric Woerth qui était au budget, Christine Lagarde qui était ministre des Finances, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy, et pendant 8 mois, on ne fait rien. On ne fait rien, alors qu'il est demandé de faire une chose très simple, c'est de retirer la TVA du marché des quotas carbone. Et c'est pendant ces 8 mois que les aigres fins, les escrocs du carbone, vont dépouiller la bourse de, officiellement, d'après la Cour des comptes, 1,6 milliard, mais certains dans le livre, des directeurs de Bercy, disent que c'est probablement plus 3 milliards qu'on a perdu. Mais alors attendez, parce que donc vous dites qu'il y a des alertes, mais malgré tout, ces gens-là, on va bien se rendre compte à un moment, indépendamment même du système, qu'il y a de la TVA qu'ils devraient reverser, qu'ils ne reversent pas. Ce qui veut dire que si un auditeur avait la mauvaise idée de se lancer dans cette escroquerie ou dans une escroquerie de ce type, il faudrait qu'ensuite il disparaisse, il s'échappe. Or, ces gens que vous citez, Marco Mouni, Samy Souyed, Arnaud Mimran, dont on n'a pas encore parlé. Oui. Donc tous ces gens-là, on connaît leur nom. Alors comment ça se fait? Est-ce que aujourd'hui, on est en passe de leur faire rembourser l'argent? Est-ce qu'ils ont tout dépensé? Est-ce que comment ça se passe, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que des arnaques à la TVA, il y en a toujours eu. Il y en a eu sur les jeans, il y en a eu sur les ordinateurs, il y en a eu sur les téléphones portables, il y en a eu sur le beurre, il y en a eu sur les panneaux photovoltaïques. Ça a toujours ramené beaucoup d'argent aux escrocs à la TVA, mais jamais dans ces proportions. Là, c'est une corde d'abondance, c'est même une épiphanie qui est totalement... L'un des personnages de votre livre le dit, il dit que c'est quasiment de la fausse monnaie. Il dit, et même il y a un personnage qui est Marco Mouli qui me raconte que j'ai rencontré dans des circonstances assez cocasses. Dans un salon de beauté, il se faisait faire les ongles. Il se faisait faire les ongles et puis il m'avait convoqué parce qu'il était furieux que dans Mediapart, j'ai publié une photo de lui avec un peu trop d'embonpoint. Voilà. Alors qu'il dépensait, me dit-il, plusieurs milliers d'euros par mois pour être le plus beau du monde. Je le cite. Bon. Il m'a dit, moi j'ai toujours bossé très dur pour mes escroqueries, mais pas pour celle-là. Pour celle-là, c'était tellement facile puisque tout était immatériel. Quand vous deviez faire semblant de vendre des téléphones portables, il fallait avoir des faux stocks de téléphones portables, faire tourner des faux stocks pour faire croire à une activité. Là, on parle de quota. C'est-à-dire, c'est la marchandise réduite à son illusion. Et donc, ce qui est beau, en quelque sorte, dans cette histoire, c'est que nous avons un système de société fictive avec un quota qui n'est qu'une illusion de la marchandise. Et cela, ça va provoquer un vrai déficit, une vraie escroquerie avec des vrais milliards d'euros qui sont détournés, sans parler ensuite des victimes de sang que cette escroquerie va provoquer. Il faut quand même trouver des hommes de paille, Fabrice. Oui, voilà, parce que vous disiez, on les connaît, les Marco Mouli, tout ça, bien sûr on les connaît, mais ils apparaissent pas frontalement dans l'escroquerie. Ils ont des hommes de paille, ils ont même des hommes de paille, par exemple, à des hommes de paille, il était dit, bon, tu as 3 millions d'euros pour être l'homme de paille dans notre business, si tu vas en prison, tu toucheras 6. Voilà, c'est comme ça que ça se passait dans ce... Voilà, vous touchez leur rémunération ou pas? Alors ça, je sais pas. Ils sont encore en prison. Les hommes de paille sont encore en prison, mais je crois qu'il y a des paroles d'honneur hein, quand même dans ce type de banditisme-là et que certaines promesses ont évidemment été tenues. Et malheureusement, pas toutes, et certains l'ont payé au prix de leur propre vie. Et les enquêtes ont mis beaucoup de temps. Hein. C'est la douane judiciaire, hein, qui a un service de Bercy, qui a enquêté là-dessus. Comment on s'est rendu compte? Je vous ai dit, voilà, il y a quand même de la TVA qui aurait dû être perçue. Vous dites qu'il y a eu des alertes. Comment s'est-on rendu compte que l'État français était en train de se faire plumer? On voyait que la bourse, en fait, avait un déficit de crédit de TVA qui remboursait mais beaucoup trop et que les recettes fiscales n'arrivaient pas. La TVA ne rentrait pas dans les caisses de l'État. Et pour vous donner quand même juste un chiffre qui émane d'une note confidentielle de la police judiciaire que j'ai pu récupérer. Quand ça s'est arrêté, quand on a retiré la TVA du marché de la bourse carbone, 80% de l'activité sur la bourse a disparu. Ça veut dire que 80% de l'activité de la bourse carbone était aux mains du crime. C'est-à-dire que c'était du faux puissance 4. Comment les personnages que vous décrivez dans D'argent et de sang, pas tous, mais Marco Mouli, sauf erreur de ma part, c'est quelqu'un qui est analphabète? Oui, alors moi j'en ai été témoin, je l'ai vu plusieurs fois. C'est quelqu'un qui dit je ne sais pas lire, pas écrire. Qui a d'ailleurs souvent été dans ses procès un argument pour dire mais écoutez je peux pas être dans ces arnaques, je sais même pas lire monsieur et écrire voilà, madame le juge. Qui ment. Voilà. Non. C'est pas son premier mensonge. Hein, moi je l'ai vu. C'est je dirais pas qu'il est analphabète, mais il sait pas très bien lire, il sait pas écrire. Hein, voilà. Et un procureur que je cite et qui dans le livre est un procureur. Qui sait ce que c'est la vie, qui vient de banlieue, qui est un grand lecteur de Michel Foucault au Collège de France, lui a dit un jour, peut-être vous savez pas lire et pas écrire, mais en tout cas vous savez compter. Ça, en tout cas, indéniablement, ils savent compter. Ces gens-là qui ne savent pas lire, pas écrire, s'adjoignent, ou en tout cas s'associent à un homme qui, lui, sait lire et écrire. C'est un ancien trader, il s'appelle Arnaud Mimran. Voilà, ça c'est l'une des raisons un peu, parce que c'est une histoire romanesque, bien qu'elle soit sans fiction, et même scorsésienne dans cette histoire, c'est la rencontre entre les enfants de Belleville et à l'autre bout de Paris, et de l'échelle sociale, leur association, comme vous dites, avec un blouson doré du 16e arrondissement qui s'appelle Arnaud Mimran, qui est le fils d'un entrepreneur qui va finir quand même numéro 3 du groupe Vinci, donc d'une très grande multinationale française, qui est un personnage, Arnaud Mimran, très, très show-off, qui va faire des études... Il n'y en a aucun qui est très discret. Hein. Non, c'est vrai que la pudeur et la discrétion n'est pas le bien commun le plus partagé entre tous ces personnages, vous avez raison. Mais qui a la hauteur de sa classe, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il roule en berline décapotable dès l'âge de 17-18 ans sur les Champs-Élysées, fréquente les boîtes de nuit les plus huppées du quartier et devient un trader. Alors je révèle dans le livre que très tôt, l'une de ces sociétés de trading en bourse est soupçonnée par Bercy de blanchir de l'argent de la mafia sicilienne quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a toujours... qui bien né, a été toujours attiré par les lignes rouges et les sueurs froides, par l'univers du crime. Hein. Je parle à un moment d'un bovarisme de gangster, parce que, en effet, ces gens-là, et surtout lui, se construisent des vies et même un personnage au fil des films qu'ils regardent. Alors, Emma Bovary, c'était au fil des livres qu'elle lisait, mais eux, c'est des films qu'ils regardent. Hein. C'est Hit de Michael Mann, c'est Scarface, c'est de Brian De Palma, c'est Les Affranchis de Scorsese. Et donc, ils se créent le scénario de leur propre vie avec un lien très fort. Et on ne peut pas comprendre cette histoire sans circonscrire ce lien, c'est le jeu, c'est le poker. C'est-à-dire Ces gens-là jouent tous, beaucoup. Non, mais ils jouent énormément, mais ils peuvent perdre 1 million d'euros sur une partie. Et on rencontre, hein, ils jouent à des tables, dans ce qu'on appelle des parties privées dans des appartements, avec des gens très connus, Patrick Bruel, le fondateur de Naf-Naf, c'est ce monde-là. Bon, mais ils jouent avec la vie comme ils jouent au poker. C'est-à-dire qu'il y a un vertige, l'envie du précipice. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans cette histoire complètement folle, qui ensuite va, comme un bon Scorsese, dégénérer dans le sang. En lisant D'argent et de sang, Fabrice Arfi, vous évoquez leur train de vie, qui semble être un train de vie plutôt confortable. ils sont en plus aidés dans ce train de vie par le jeu, qui permet quand même de perdre des sommes considérables. Mais on se dit, ils ont dérobé des milliards d'euros. Ouais. C'est beaucoup, des milliards d'euros. Ouais. Moi, j'aimerais savoir comment ils les ont dépensés, comment on fait pour dépenser autant d'argent. Alors, la filière qui m'intéresse, c'est le trio dont on parle, Mimran, Souyed, à eux seuls, hein, avec bien sûr leurs complices et hommes de paille, c'est 285 millions d'euros de TVA qui a été carotté au nez et à la barbe de l'État, qui a été d'une grande complaisance dans ce dossier. Je ne sers pas la thèse de la complicité de l'État, mais de la complaisance, et même, comme le dira un des directeurs des enquêtes fiscales de Bercy, c'est un fiasco d'État, cette histoire. Bon. C'est un super fail, c'est comme ça qu'on dit ici. C'est tellement un super fail, comme on dit dans ce podcast, que faut quand même se rendre compte, Bercy n'a jamais fait de calcul officiellement de ce qu'il a perdu sur la bourse carbone. Mais c'est fou quand même, c'est notre argent dont on parle. Les seuls qui ont fait le calcul, c'est la Cour des comptes 3 ans plus tard. Et certains à Bercy disent, bon, c'est un calcul à minima. Mais à minima, c'est quand même près de 2 milliards d'euros. Bon, en réalité, je crois que c'est plutôt 3 que 2. Bon, peu importe. Alors, ils ont des trains de vie, évidemment, des jets privés, des yachts, des appartements infinis, des piscines privées en sous-sol dans les appartements, des comptes bancaires en veux-tu, en voilà, dans tous les paradis fiscaux, etc. Des espèces, voilà, bon. Mais ça représente des millions d'euros. Bon. Mais en fait, on n'a pas retrouvé l'argent qui a été volé. En réalité, on ne sait pas où est parti l'essentiel de l'argent. Avez-vous des hypothèses? Parce que, oui, il y a des hypothèses, bien sûr. Il y a beaucoup d'argent qui est parti dans les paradis fiscaux. Ça a fait le tour du monde 15 fois. Il y a beaucoup d'argent qui s'est retrouvé en Israël et qui a été blanchi dans l'immobilier en Israël. Et d'ailleurs, on retrouve, je le raconte et je le documente, des liens entre Arnaud Mimran et notamment l'actuel Premier ministre Netanyahou, qui sont des liens d'argent et des mensonges. Ils ne sont pas niés, si. Ils ont été niés. Ah, si, niés, au début. Netanyahou a changé de version 3 fois sur sa relation avec Arnaud Mimran. Qu'il soit embarrassé. Ça veut dire qu'il a menti au moins 2 fois. D'accord. Voilà. Bon. Non, parce qu'il a dit qu'il n'y avait jamais de lien d'argent, alors qu'on a démontré, d'accord, avec un confrère de Haaretz, Dov Alfon, qu'il y avait des liens d'argent et très importants et très suspects entre Arnaud Mimran et Netanyahou. C'est-à-dire que quand Netanyahou venait à Paris, il payait rien. Alors Netanyahou, quand il va quelque part, il ne paye jamais rien. Il a des hommes de bonne fortune qui lui payent absolument tout. Et en effet, il partait en vacances payé par Arnaud Mimran. Il vivait dans l'appartement d'Arnaud Mimran. Il a même été financé par Arnaud Mimran. Mais ça, là encore, ça n'explique pas la dépense de 280 millions d'euros. Alors, beaucoup, pour Mimran, par exemple, il y a une note de Tracfin, hein, que je révèle dans le livre. Tracfin, pardon, c'est la cellule anti-blanchiment de Bercy, qui dit qu'il a joué plusieurs dizaines de millions d'euros, 98 millions d'euros, dans les casinos américains. Je sais pas si on se rend compte. C'est un défi cognitif. Hein. Bon, voilà. Donc on est dans des étiages. On est dans un univers qui dépasse toute espèce de compréhension pour des gens qui n'y sont pas, quoi. Là où cette histoire devient moins rigolote. Donc d'une part, évidemment, elle dépouille le fisc français, ce qui est embêtant pour nous Français, qui donc pour nos services publics. Des contribuables. Bah évidemment, on peut pas trouver que tout cela tourne rond, mais en plus, cette histoire devient une histoire criminelle. Expliquez-nous en quoi, sans dévoiler évidemment votre livre D'argent et de sang, qui est un livre policier, même si, comme vous le dites au début, tous les faits sont vrais. Voilà, oui, c'est un roman sans fiction, si on veut. Oui, en fait, dès la fin, de l'escroquerie au quota carbone. Et avec retard, la police française va découvrir que cette affaire est la matrice du nouveau crime français. C'est-à-dire que jusque-là, il pouvait y avoir des groupes criminels français, les Grenoblois, les Corsos marseillais, les Gitans, les gens des banlieues, l'imprégnation des mafias russes, italiennes, israéliennes, en France, qui bien sûr pouvaient avoir des liens de circonstances sur un certain nombre de dossiers. Là, il y a eu un nouveau Frankenstein criminel qui a grandi sur le dos de ce magot considérable, parce qu'il y avait un magot considérable, et qui a eu une forme de fusion-acquisition de plusieurs milieux criminels, puisque quand il y a autant d'argent, et que c'est aussi facile de faire fructifier de l'argent sale, de le blanchir, ça attire tout le monde. D'autant qu'il faut, il faut se protéger. Quand on est aussi riche, il y a du racket. Il faut se protéger avec des gens armés. Bon. Et ce qui va se passer, c'est que des témoins de cette affaire, des gens qui essayent de la dénoncer, des gens qui y ont participé, parce que comme dans tout phénomène mafieux, il y a des guerres de territoire, vont se faire envoyer ad patres. La poudre va parler dans Paris, avec des commandos de tueurs qui vont abattre plusieurs acteurs du dossier, notamment l'un de ceux que l'on considère comme le cerveau de cette arnaque, qui est Samy Souyed, l'un de ceux qui vient de Belleville. Alors, ce qui est l'anecdote, c'est qu'ils ont grandi à 50 mètres de chez moi. Donc, c'est l'environnement dans lequel je vis personnellement. Et je le raconte à la première personne dans le livre, parce que je ne veux pas me déconnecter de l'empreinte qu'il peut y avoir sur moi de cette histoire. Samy Souyed va se faire descendre porte-maillot en septembre 2010 par un commando. Au moment précis où Arnaud Mimran lui remet une bague qui, de manière très hollywoodienne, la bague est une tête de mort cerclée de diamants. À ce jour, on en est, selon les enquêtes, 5 ou 6 assassinats liés aux magots, aux acteurs ou à l'intrigue du CO2. Et à ce jour, il n'y a pas une seule mise en examen par la justice française. Donc c'est une affaire qui déroute totalement la justice. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Hein. Je ne suis pas pour les explications univoques. La police a été littéralement mise en difficulté par la naissance de ce phénomène criminel qu'elle n'a pas compris. D'ailleurs, un haut responsable de la police qui parle dans le livre me dit « il faut bien avouer les choses, je le cite, on s'est fait baiser et on n'a rien vu venir ». Voilà. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait en 2011 et 2012 de renseignement criminel pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, la police a accumulé un retard considérable sur la compréhension de ce phénomène criminel et les assassinats. Ça, c'est une raison... entre guillemets acceptable, même si certains font amende honorable. Puis une raison qui malheureusement je crois les moins, c'est et je le raconte et même le révèle pour partie dans le livre, c'est l'imprégnation qu'il y a entre ces milieux et certains policiers. Évidemment pas l'institution policière, mais certains policiers. Alors par exemple, alors ça c'est pas nouveau, mais on connaît l'histoire du commissaire Néret qui a été corrompu. En fait, l'histoire Michel Néret est corrompu par des troisièmes couteaux du CO2. C'est par ce monde-là. Et là, je raconte dans le livre des porosités qu'il y a entre ce milieu-là et notamment un service de police qui est censé leur courir après, qui pose tellement question que l'IGPN, la police des polices, a ouvert une enquête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, Samy Souyed, on sait ce qu'il est devenu, il est mort. Les autres, Arnaud Mimran, Marco Mouly. Alors, Arnaud Mimran et Marco Mouly ont été condamnés à 8 ans de prison, donc ils purgent leur peine. Arnaud Mimran était à Fresnes jusqu'il n'y a pas très longtemps. Il a été déplacé dans une prison au Havre parce qu'on a découvert qu'il y avait des soupçons de corruption de l'administration pénitentiaire par Arnaud Mimran et d'autres. En tout cas, il est cité dans le dossier. En tout cas, c'est ce que la justice semble penser à la lueur des jugements qui l'accablent. Et Arnaud Mimran est par ailleurs renvoyé devant la cour d'assises pour avoir organisé l'enlèvement, la séquestration, l'extorsion de fonds d'un très riche et prospère banquier suisse en faisant croire à son propre enlèvement en même temps, qui est une histoire complètement folle que je raconte également dans le livre, et reste toujours l'énorme point d'interrogation qui est quid des dossiers criminels et des enquêtes judiciaires sur les assassinats, puisque les personnes qui sont mortes, y compris le beau-père d'Arnaud Mimran, qui a été abattu de sang-froid dans sa villa de Neuilly, bien les familles des victimes aujourd'hui ne connaissent toujours pas de sacrement judiciaire. Fabrice Arfi, D'argent et de sang, c'est le livre que vous publiez au Seuil. C'est un roman policier, vrai, puisque tout ce que vous racontez, dites-vous, est exact. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Clément Daté à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.